D'accord, je comprends. Vous avez fourni une image d'un plan pour la partie 2 avec des titres en anglais et des descriptions en un mélange de langues, et vous souhaitez que je vous fournisse une version astérisque astérisque enrichie et structurée astérisque astérisque de cette même partie 2, en m'appuyant sur le plan général que nous avons déjà validé ensemble et sur les informations que vous avez partagées. Je vais prendre les thèmes de votre image, chapitre 4, 5, 6, et les fusionner avec la structure que nous avons précédemment établie, en utilisant les informations factuelles que vous avez fournies. L'objectif est de créer un plan clair, détaillé et directement utilisable pour la rédaction. *****partie 2, l'ascension, pastef et percée politique ****objectif de la partie, ***décrire la fondation du pastef, son idéologie, son développement fulgurant, et les étapes clés de son implantation sur la scène politique sénégalaise, de sa naissance aux premières victoires électorales, y compris sa résilience face aux défis. **Chapitre 4, la naissance du pastef, fondation et manifeste du changement **Introduction du chapitre, **Ouvrir sur le contexte politique et social du Sénégal au milieu des années 2010, caractérisé par une insatisfaction croissante et un besoin de renouveau, jetant les bases de l'émergence d'une nouvelle force politique. **4. L'impulsion et le contexte de fondation, 2014, *Le paysage politique sénégalais de l'époque, les forces en présence, les critiques de la gouvernance. *La fondation du parti PASTEF en 2014 par Ousmane Sonko. Il est important de noter que cette date est antérieure à sa radiation de l'administration en 2016, ce qui suggère une implication précoce de Sonko dans la construction d'une alternative politique. *Les motivations profondes, la conviction de la nécessité d'une rupture et d'une nouvelle approche politique. **4.2. Les piliers idéologiques, travail, éthique, fraternité *Analyse du nom du parti, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Définir la signification de chaque terme dans la vision du PASTEF. *Positionnement, un parti politique sénégalais de gauche. Comment cela se traduit-il dans le programme? *Les principes fondateurs, transparence, lutte contre la corruption, souveraineté nationale, justice sociale. *Les documents fondateurs ou les premiers discours qui énoncent ces principes. **4.3. Le discours de rupture, antisystème et souverainiste *La critique du système politique traditionnel et de la gouvernance sénégalaise jugée dysfonctionnelle. *Les premières dénonciations des anomalies économiques et fiscales, en écho aux engagements syndicaux antérieurs de Sonko. *L'émergence du thème de la souveraineté, économique, monétaire, dès les débuts du parti. *Comment ce discours a commencé à capter l'attention de l'électorat, en particulier la jeunesse et les déçus de la politique traditionnelle. *Chapitre 5, l'affirmation politique, député, maire, et candidat, 2017 à 2022, *Introduction du chapitre, passé de la création du parti à sa matérialisation électorale et territoriale, montrant la progression de son influence et de sa légitimité. *5. La première percée nationale, l'élection comme député, 2017, *député de 2017 à 2022. *Le contexte des élections législatives de 2017, la stratégie du PASTEF pour obtenir des sièges. *Le rôle d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, ses prises de parole, ses interpellations, les dossiers qu'il a portés. *Le Parlement comme tribune pour diffuser le message anticorruption et souverainiste du PASTEF. *5.2. L'exploit présidentiel de 2019, une révélation nationale *Candidat à la présidentielle de 2019 où il a réalisé une bonne performance, finissant troisième avec 15,67% des voix. *La campagne Sonko président, le programme, les meetings, l'engagement des militants. *L'impact de ce score, comment un nouveau parti a bousculé le paysage politique traditionnel. *L'analyse de la mobilisation, l'attrait pour la jeunesse, la diaspora, et les électeurs en quête de renouveau. **5.3. La conquête territoriale, la mairie de Ziguinchor, 2022, maire de Ziguinchor de 2022 à 2024. *l'importance stratégique de Ziguinchor, une ville carrefour, un symbole. *la campagne municipale, les promesses spécifiques pour la ville, la proximité avec les citoyens. *les premiers axes de gestion de la ville sous sa direction, les défis et les réalisations initiales. *comment cette victoire a consolidé la base territoriale du PASTEF et la légitimité d'Ousmane Sonko comme gestionnaire. *chapitre 6, la résilience du PASTEF, dissolution, interdiction et renaissance, 2023 à 2024, introduction du chapitre, décrire comment le parti a été mis à l'épreuve par le pouvoir, mais a démontré une capacité de résistance et de renouveau exceptionnel. *6.1. La dissolution de juillet 2023, un coup de force dissous par le gouvernement en juillet 2023 pour des appels présumés à des mouvements insurrectionnels. Contexte politique, les tensions croissantes entre le PASTEF et le régime de Macky Sall, les manifestations, les arrestations. Les arguments officiels du gouvernement pour justifier la dissolution. Les conséquences immédiates, interdiction des activités, fermeture des locaux, gel des comptes, arrestation de cadres et militants. *6.2. La résistance et la stratégie de survie La réaction du PASTEF et de ses alliés, dénonciation d'une persécution politique. La mobilisation des militants, notamment de la diaspora, pour maintenir la flamme du parti. Le rôle des avocats et des recours juridiques face à la dissolution. Comment la clandestinité ou la situation hors la loi a-t-elle paradoxalement renforcé la popularité du mouvement? *6.3. La renaissance, l'abrogation et la victoire législative, 2024, le décret de dissolution a été abrogé le 27 mars 2024, 3 jours après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle. Soulignez le timing symbolique. *l'élection présidentielle de mars 2024, le soutien d'Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye Faye et la victoire écrasante. Lors des élections législatives du 17 novembre 2024, le PASTEF a remporté une victoire historique avec 130 sièges sur 165 au Parlement, soit 78% des sièges. Cette victoire donne au parti une majorité confortable pour mettre en œuvre ses réformes. C'est la consécration de la résilience et de la stratégie du parti. Conseil généraux pour la rédaction de cette partie. Chronologie des faits. Le bon enchaînement des événements est crucial. Vérifiez bien les dates de fondation, radiation, dissolution et élection. Impact. Pour chaque événement, décrivez non seulement ce qui s'est passé mais aussi son impact sur le parti, sur Ousmane Sonko, et sur l'opinion publique. Témoignage. Si vous avez des extraits de discours, des témoignages de militants ou des analyses de journalistes de l'époque, c'est le moment de les intégrer pour donner du corps au récit. Cette version enrichie et structurée de la partie 2 devrait vous offrir un cadre très solide pour la rédaction. Elle intègre vos informations les plus récentes et organise le tout de manière claire et logique. Souhaitez-vous que nous passions à la partie 3, l'épreuve, répression 2021 à 2024 ou désirez-vous des éclaircissements sur un point précis de cette partie 2,